Ce sont les meilleures équipes. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grenouille pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou qui sera consacré ce soir à notre cher confrère Thierry J. Lardy. Au moment de préparer cette émission hommage, le dispositif s'est bien sûr penché sur les circonstances de la disparition du journaliste pour finalement estimer qu'un faisceau de suspicion très net entourait cette dite disparition. Pourquoi la mort de Thierry J. Lardy n'a-t-elle pas fait l'objet d'une enquête? Ou s'il y en eut une, pourquoi a-t-elle été si rapidement bouclée? Qui étaient les convives du dîner qui précéda sa mort? La disparition de Thierry ne profite-t-elle pas à quelqu'un? Trop de questions n'ont pas été posées ou restent sans réponse. La France du football aurait-elle été dupée? Pas pour longtemps, chers amis, car le dispositif DBDGR en quête de vérité croit légitime de rouvrir l'enquête et entend cet après-midi faire la lumière sur ce que l'on devine comme devenant une affaire. Qui a tué Thierry J. Lardy? Je l'évoquais au début de ce journal et on l'a appris au cours de la soirée. Thierry J. Lardy est mort aujourd'hui d'une crise cardiaque qu'il présentait Téléfoot. Il était aussi le commentateur des plus grandes rencontres. Il a commencé sa carrière dans le service public. Benoît Véran nous retrace son parcours. Retour de cette Ligue des Champions. Tout le monde se souviendra de sa voix éraillée par la cigarette. Thierry J. Lardy, journaliste et commentateur sportif, est décédé ce soir d'une crise cardiaque à l'âge de 49 ans. Comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, les hommages à Thierry J. Lardy furent unanimes, grand professionnel, grand passionné de sport, une joie de vivre inégalée. La France du sport et du PAF pleure légitimement celui qui fut pendant des années la voix des grandes heures de l'équipe de France à la télé. Mais que se passa-t-il réellement pour que nous quitte cet homme si apparemment parfait dans la fleur de l'âge? Rappelez-nous les faits, Dundee. Nous sommes dans la nuit du 24 mars 2008 à Montfort-l'Amaury au domicile de Thierry J. Lardy. Une charmante demeure apparemment calme des Yvelines. Quelques amis de Thierry terminent un bon repas et l'on s'apprête à servir une grappa, aussi digestive que méritée. Le staff cuisine avait fait simple pour ce repas. Oui et non, cher Manuel. Peu de graisse, certainement. Les quantités étaient raisonnables et les produits frais et locaux, bien sûr. Mais, et nous pouvons déjà nous en étonner, tous ces plats étaient pour le moins exotiques, voire rares. On y servit par exemple du dos de tapir en croûte bio, avec sa sauce aux fraises raisonnée. Le tapir est une espèce protégée, non? En effet. Mais revenons aux événements. Vers quelle heure Thierry J. Lardy ressent ses premières gênes? Vers 3h du matin. Une grappa à la main, Thierry au salon s'apprête à porter un ultime toast et commence à se plaindre de douleurs dorsales. Puis il s'écroule. Les pompiers qui tenteront de le ranimer et qui finalement le conduiront à l'hôpital, ainsi que les médecins qui le prendront en charge à l'arrivée, concluront toutes et tous à une crise cardiaque. Ça y ressemble, en effet. Tout cela paraît naturel et en aucun point suspicieux. Pourquoi rouvrir l'enquête aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous y conduit? Eh bien, Manuel, il y a malgré tout quelques indices troublants, dès le départ, qui nous mènent à penser que l'affaire n'est pas si claire. Pas si clair, mais quoi par exemple? En premier lieu, Thierry J. Lardy lui-même semble bizarre. C'est un homme simple et proche des gens, mais qui a su parfaitement s'intégrer au monde du show business et il en connaît toutes les arcanes. Et qui plus est, il connaît un succès considérable. Vous voulez dire que Thierry attirait les convoitises dans ce milieu de requins? Probablement. Cela veut aussi dire qu'il valait sans doute mieux que sa mort ne s'entoure pas d'un halo de doute, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, mon cher Dundee. Il y a ensuite quelques éléments de la soirée. Un appel curieux d'une voisine reçue par la police tout d'abord. Appel qui mentionnait le stationnement curieux d'une voiture de sport allemande devant le domicile de Thierry. Mais le propriétaire s'en est expliqué, j'imagine. Eh bien non, Manuel. À l'arrivée de la maréchaussée, la voiture n'était plus là. Troublant en effet. Et quoi d'autre ? Cette absence de Thierry Gilardi entre le fromage et le dessert, pendant laquelle, selon ses dires, il était allé consulter un mail qu'il qualifiait lui-même de la plus haute importance et qui, je cite, l'un des témoins, allait faire grand bruit. Révélation ? Menace ? Menace, peut-être pas. Mais en tout cas, tout porte à croire qu'il détenait là le début d'un scandale. Enfin, et surtout, il y a la liste des invités présents ce soir-là. Ces invités, des individus peu recommandables, Dundee ? Tous, en tout cas, détenaient une bonne raison de supprimer Thierry Gilardi. C'est en effet beaucoup trop troublant pour que la police soit passée à côté. Mais alors, parlons aujourd'hui des invités et tâchons de voir quels étaient leurs mobiles. Il y avait, premièrement, un haut fonctionnaire, il me semblait. C'est vous, cher docteur, qui vous êtes attelé à triturer le passé de ce personnage. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai été en charge d'enquêter sur ce haut fonctionnaire de l'époque, sur ce ministre des Sports, cet ancien joueur de rugby, le fameux Bernard Laporte. Pourtant, comme on s'en doute, étant donné l'envergure du personnage, les mobiles qui ne manquent pas portent moins sur des dissensions d'ordre politique que financières, sportives, voire même privées. Les deux hommes se connaissent assez bien. On l'a dit, on l'a entendu, depuis 1997, Thierry Gilardi est vice-président du Stade français. À ce titre, il semblait détenir des informations confidentielles sur des pratiques de dopage empruntées à la Wehrmacht, ce que semblent avaliser les récentes révélations sur la lobotomie de Pascal Papé il y a 18 ans. Gilardi disposait par ailleurs d'un double du coffre de la Société Générale, où Bernard aurait maintenu séquestré le French Flair. Force est de constater l'inviolabilité du coffre de cette banque. Mais la rivalité entre Bernard et Thierry s'est surtout cristallisée à propos du pseudo-enfant éprouvette de Rachida Dati. En effet, 283 jours, soit moins de 41 semaines, séparent le décès de l'animateur de la naissance de la fille de la garde des Sceaux, Zora, le 2 janvier 2009. Bernard Laporte, déjà publiquement rabroué par Ramayad, aurait peu goûté ce nouveau râteau gouvernemental. En véritable professionnel de l'envasement, Laporte allait même jusqu'à prétendre mener, au moment des faits, une opération commando en Libye, auprès des gardes du corps du colonel Kadhafi, initiant non seulement ses Amazones en kaki au rugby, mais aussi aux autres délices du savoir-faire français lorsque celui-ci s'exporte dans les pays arabes. En réalité, Laporte est rentré prématurément, et une nouvelle fois broucouille de ce voyage pourtant prometteur, comme le prouve le sulfureux double selfie posté depuis le penthouse de Nadine Morano dans la nuit du 24 mars 2008. Merci docteur de nous avoir présenté notre premier suspect. Magic, c'est vous qui vous êtes intéressé au second suspect, je devrais dire la suspecte. Tout à fait, la suspecte dont j'ai eu la charge là, d'enquêter, c'est Christine Bravo. Alors l'indice que j'ai eu pour la première fois à propos d'elle, au-delà du fait qu'elle était présente à cette soirée, c'est lors d'une rencontre avec un directeur d'un club de supporters de l'OM. Vous savez que je travaille actuellement beaucoup avec les clubs de supporters et on discute beaucoup. Et à l'occasion d'une discussion, notamment sur les médias, j'ai été informé que cette madame Christine Bravo avait essayé à l'époque de contacter les clubs les plus influents de supporters pour tenter de faire pénétrer dans les médias un certain personnage qui avait été footballeur et qui était Daniel Bravo. Pourquoi Christine Bravo aurait-elle tenté de faire rentrer Daniel dans le monde des médias, de la presse, du show business? Eh bien, ce directeur de club avec qui je discutais m'a révélé qu'elle lui avait dit qu'en réalité, c'était son fils. Daniel Bravo est le fils de Christine Bravo, Magic. Daniel Bravo est absolument le fils de Christine Bravo. Et alors, si on se remet dans le contexte de cette soirée, chez Thierry Gilardi, cette madame Christine Bravo, complètement délurée, on la connaît beaucoup pour ses excès qui sont certainement dus ou liés en tout cas à ses voyages au Mexique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, Magic. Voilà. Elle n'a de copains et de copines nulle part. Si elle était là ce soir-là, probablement ce n'était qu'uniquement pour faire du lobbying en faveur de Daniel afin que ce dernier puisse intégrer le PAF. Merci mon cher Magic pour ces éclaircissements. À vous coach maintenant, vous nous parlez du troisième suspect, me semble-t-il. Avait-il lui aussi un mobile pour faire disparaître Thierry Gilardi? Alors le troisième suspect c'est Patrick Montel, qui est commentateur sportif très célèbre de France 2, dont je vais vous présenter un peu l'histoire. Donc c'est Patrick, la voix de l'athlétisme Montel, donc c'est un commentateur sportif, c'est-à-dire un gars qui commente, donc un animateur télé, donc pas un journaliste et pas un expert. Alors, le truc à Patrick, c'est l'émotion qui influe comme une giclée d'adrénaline, le hurlement du passionné, la religion du sport façon masturbatoire. Quand il commente une course, Patrick finit plus essoufflé que les athlètes. Patrick, il a pas peur d'être con, même si c'est n'importe nawak. Il ferme jamais sa gueule. Patrick, il est cocardier. C'est le pompier incendiaire du nationalisme. Il s'enivre de lui-même et crie fort sur un 10 000 mètres en chambre. Parce que Patrick, il prend position. Il est prophète de l'éthique du micro sur une chaîne publique. La politique du mimi, mi-engagé, mi-démago. Mais c'est déjà un exploit d'être rêche au milieu des paillassons de Stade 2. Mais surtout, Patrick, c'est un grand romantique et un fan de poterie. Le sport, c'est de l'opéra. Il aime les sportifs, de tout son cœur d'artichaut. Les copains, les héros avec leurs belles histoires, les colosses aux pieds d'argile le font rêver. Alors le mobile de Patrick, c'est l'histoire des Sport Tapes, dont le nom de Thierry Gilardi a circulé dans les milieux autorisés comme l'un des suspects. Alors je reviens vite fait sur l'histoire des Sport Tapes. S'il vous plaît, oui. Suite à des travaux, une vieille armoire appartenant à Patrick Montel remplie d'images d'archives rares destinées à l'édification d'un musée du sport Marie-Jo Pérec disparaît du bureau de la rédaction de France Télévisions. Patrick est outragé et exprime dès le lendemain du méfait sur son blog ce qu'il dénonce comme un coup de poignard intellectuel, un cambriolage du cœur, voire un viol. Il dit « Je souffre ce matin profondément dans ma chair, mais je ne suis pas une femme et cette blessure indicible et intime tout entière contenue dans ces quatre lettres m'est inconnue. Alors, en y réfléchissant un peu plus, j'essaye d'accoler à mon spleen des expressions plus nuancées. Depuis plus de 25 ans que je suis salarié de France Télévisions, je stocke dans des armoires mes plus précieux trésors, des images rares, des interviews de champions disparus, des reportages au long cours, toute une mémoire athlétique compilée par strates successives depuis 1984. » La quintessence d'une vie de reporter consignée dans des cassettes soigneusement rangées et étiquetées. Et depuis lors, donc, Patrick mène une enquête en profondeur pour retrouver son fabuleux trésor, pleurant, criant, hurlant, vengeance, tel un zombie sous acide. Évidemment, l'apparition du nom de Thierry Gilardi dans la liste des suspects potentiels ne l'a pas laissé indifférent. On comprend bien, coach, le désespoir qu'a pu mener Patrick Montel à commettre un tel acte. Dondé, à vous la parole maintenant pour le dernier de nos suspects. Il existe une certaine confusion autour de l'identité d'un des invités ce soir-là. C'est la presse en a fait ses choux gras, c'est l'affaire du sosie d'Ardisson, c'est ainsi qu'elle l'a nommé. Alors pour nos auditeurs, il est important de rappeler que Thierry Gilardi et Thierry Ardisson sont de la même famille. Ce dernier appartient à la branche suédoise de la famille Gilardi, les Ardisson. Néanmoins, son apparence et ses agissements suscitent un certain nombre de questions parmi les convives. Thierry Ardisson ressemblant, le sosie Thierry Ardisson ressemblant comme deux gouttes d'eau à Thierry Ardisson. Son look d'abord. Thierry a les cheveux longs et gras et ses dents sont dans un très mauvais état. On a un document tiré du dossier. Qui nous le montre, qu'on publiera certainement sur le Facebook de DBDGR. Ses manières ensuite, qui sont sans gêne et volontiers paillardes, et dès l'apéritif, il entreprend brutalement Christine Bravo, qui le repousse, saisie par la laine infecte qui émane de sa bouche, il la traite de vilaine. Même Christine Bravo, et d'entreprise. Et elle le repousse, effectivement. Et Patrick Montel, qui proteste, est menacé de manivelle intestinale puis d'écartèlement. Tout un programme. Mais le 25 mars, une dépêche tombe. Coup de théâtre, Ardisson dément avoir participé au repas. Le 24 au soir, il s'est rendu avec Laurent Baffie au spectacle de Jean-Yves Lafesse. Lesquels ont ensuite bu un cognac chez Jean-Marie Bigard avant de rejoindre Franck Dubosc pour une soirée cul et saucisson. Mmh. Là aussi, tout un programme. Mmh. Et hier soir, nouvel élément, un document très ancien qui a l'apparence d'un parchemin parvient aux locaux scientifiques de Radio Grenouille. Nous l'évoquerons tout à l'heure. L'affaire du sosie de Thierry Gilardi est donc sur le point d'être démêlée. De Thierry Ardisson, vous voulez dire du sosie de Thierry Ardisson, tout à fait. Les éléments convergent et désignent un homme, Gilles Le Hardy. Un homme supposément mort il y a 650 ans. Donc sommes-nous en présence du premier petit filioticide de l'histoire? C'est quand même une importante question. Les mobiles, rapidement, depuis un mois, au moyen d'un vortex mis au point par notre cellule secrète, nous arpentons le temps. La filature mise en place par DBDGR en quête de vérité nous a permis de faire toute la lumière sur un vaste réseau de contrebande intratemporelle dont l'épicentre se situe dans les souterrains de la propriété des Gilardi, sorte de porte ouverte entre deux âges et transmise de génération en génération depuis le XIe siècle. Le dénommé Gilles Le Hardy en est la tête. C'est le portrait d'un capitalisme avant l'heure qui s'esquisse. Spécialisé dans l'export-import entre deux époques, Gilles Le Hardy verse dans tous les types de contrebande, objets d'art, esclaves et serfs, électroménagers, hi-fi, instruments de torture, prothèses dentaires. Il occupe ainsi une position monopolistique sur le marché transhistorique, qui fait de lui l'homme le plus puissant de son temps et l'interlocuteur privilégié de toutes les mafias modernes. Son commerce est menacé lorsqu'il apprend que son propre sang menace de le trahir. En effet, Thierry Gilles Hardy veut vendre la propriété familiale à un promoteur immobilier. Pour Gilles Le Hardy, cela signe la fin de ses lucratives activités. Il en informe les autorités royales qui craignent un retour à l'obscurantisme prématérialiste et non compétitif. Ce soir-là, Gilles Le Hardy s'en constache réellement. Si Thierry Gilles Hardy est au courant que l'homme qu'il a en face de lui est son aïeul, a un objectif, éviter la vente du domaine, quel qu'en soit le prix. C'est effectivement, cher Dondé, un très bon mobile aussi. Vous savez tout, chers auditeurs, Thierry Gilardi a succombé des suites d'une crise cardiaque survenue dans la nuit du 24 au 25 mars 2008. Et nous venons de vous démontrer que les circonstances qui entourent cet événement tragique sont loin, très loin d'être aussi simples que ce que l'on a bien voulu nous dire il y a 7 ans déjà. Il s'agit donc ce soir de comprendre qui parmi ces 4 suspects que nous avons déterminés, celui qui, selon nous, a commis l'horrible forfait de faire connaître l'effroi à notre pauvre Thierry. Commençons, si vous le voulez bien, chers auditeurs, cette enquête par son aspect technique. Et tentons d'établir par la science si mort naturelle il y a bien eu Magic. C'est vous qui vous êtes chargé d'inspecter le corps de Thierry Gilardi. Et vous allez nous en parler tout de suite. Comment ça va me gonfler cette histoire, Carpentier ? Vous savez, mon commandant, je crois que c'est reparti pour un tour. Ouais, ben, vous allez m'ouvrir le cul de la vache, je veux voir ce qu'il y a dedans, moi. Quoi, l'ouvrir ? Alors, évidemment, il fallait revenir sur les aspects, comme vous avez dit, Manuel, technique, c'est-à-dire procéder à une nouvelle autopsie. Enfin, nouvelle. Il n'y a pas eu de première autopsie à l'époque de son décès. Le corps a été enterré. Alors, évidemment, nous ne pouvions pas obtenir les autorisations pour procéder à l'exhumation du corps. Nous n'avions en tout cas pas le temps. J'ai donc décidé de le faire moi-même, selon ma méthode, c'est-à-dire au black, à l'aide de mon petit réseau personnel. Alors, avec les petits moyens de DBDGR, hein, bien sûr, j'ai mobilisé une équipe pour déterrer directement au cimetière la tombe du défunt, un transport aller-retour, direction un lieu secret que je ne peux pas vous révéler, dans la région de la capitale. Un lieu tout équipé, qui est tenu par un copain qui est chirurgien et à qui j'ai demandé de se préparer à une autopsie. Alors, il est plutôt spécialisé dans l'esthétique, hein, mais c'est un garçon qui est débrouillard et qui apprend très vite. Alors le tout, évidemment, devait se faire en une seule nuit pour remettre le corps et le tombeau en l'état, pour n'éveiller aucun soupçon au matin frais des Yvelines. Je peux vous dire que ça a été du sport. Je vous passe les détails entre le tombeau hein, qui rentre pas complètement dans la kangou, hein, qu'il a fallu sangler avec les 5 personnes dessus, tout entassé parce qu'il y avait plus de place et dont il y en avait un qui avait des problèmes gastriques. Moi j'ai été pris de nausée, vous voyez, à cause de tout cet amas d'odeurs pour le moins exotiques, qui j'ai commencé à douter un peu de mon aventure au cours de cette soirée. Mais bref, une aventure d'équipe. Alors. S'agissant de l'autopsie, et c'est ce qui nous intéresse directement, j'ai pu me procurer le constat de décès rédigé par un médecin de la clinique de Pont-Marly, le 25 mars 2008, qui indiquait sommairement « mort subite sans état pathologique décelable ». C'est à partir de ce constat que notre légiste en herbe a pu commencer ses investigations. Il nous a expliqué que le corps change après la mort. Et certains de ces bouleversements peuvent être à l'origine de nombreux faux positifs. Ainsi, lorsque les globules rouges se décomposent, le taux de sucre dans le sang d'une personne peut apparaître comme bien supérieur à ce qu'il était de son vivant. Mais un bon légiste est parfaitement conscient de l'existence de ces fausses pistes. D'autres bouleversements post-mortem, comme l'apodicire, la décomposition des graisses, peuvent préserver l'apparence des tissus mous pendant des années tout en compliquant l'autopsie. Les tissus en question deviennent friables et crayeux. Lorsque les tissus mous d'un corps sont partiellement ou totalement décomposés, les légistes peuvent encore analyser les os, les cheveux, les dents, les ongles pour trouver des réponses. Les traces de poison comme la scrinine par exemple peuvent être détectées dans la kératine. Les légistes peuvent encore étudier des échantillons de certaines parties du corps à l'aide d'un microscope ou au moyen d'analyses chimiques pour repérer les traces de diverses substances. Bref, notre copain médecin nous a expliqué qu'il était confiant parce qu'il l'avait bien bûché. Et alors, je l'ai vu procéder à l'ouverture du tombeau. Comme nous n'étions à ce moment-là plus que lui et moi, j'ai dû être obligé de l'aider. Hein, pour déposer le corps sur la table d'examen, lui apporter toutes sortes d'outils de dissection, du sport, je vous disais. Il a tout de suite vu que l'embaumement avait été bien réalisé et que la tombe était de bonne qualité, de marque CJP, que l'état du cadavre lui permettait d'examiner ses organes et ses tissus mous pour déterminer certaines causes potentielles de décès. En l'occurrence, il s'agissait d'examiner le cœur afin d'identifier le problème lié à la crise cardiaque, lésions, hypertrophie et... Ouf, c'était possible selon lui. Le cœur... Alors on a ouvert le corps, bien sûr, on a trouvé ce cœur qui était certes tout rabougri, dans un sale état. Il m'a fallu penser au mien depuis qu'elle m'a quitté, mais bref. Mais il était bien là et analysable. Il a commencé par faire quelques prélèvements de cœur, quelques milligrammes, qu'il a conservé tout de suite dans un congélateur afin d'effectuer des recherches virales, biochimiques et microbiologiques, m'a-t-il dit. Alors, j'en viens directement à la fin, je vous lis la synthèse de son rapport que j'ai rédigé pour notre émission. Il n'a décelé aucune malformation cardiaque. Il a commencé par décrire l'état de l'artère coronaire droite, du tronc commun, de l'artère interventriculaire antérieure et de l'artère circonflexe. Le cœur dans ses parois ne souffrait d'aucune athérosclérose, ni discrète ni sévère, dit-il. Et aucune thrombose n'était apparente. Par ailleurs, l'orifice aortique présentait un diamètre normal et les symphyses commissurales étaient dans un aspect convenant. Aucune végétation d'endocardite. Par ailleurs, les analyses virales, biochimiques et microbiologiques n'ont révélé aucune trace de produits exogènes dangereux, aucun virus, ni aucune substance alcaloïde ni stupéfiant. Le sujet était apparemment de bonne santé, présentait un mode de vie sain. Au plan physiopathologique, aucune dissociation électromécanique ni aucune asystose par trouble de conduction n'aurait pu engendrer un arrêt cardiaque. En l'état des connaissances scientifiques sur les causes de la mort subite cardiaque inopinée, le décès du sujet conserve encore des zones d'ombre. Voilà ce qu'écrit notre médecin. Il faut tenir compte d'autres affections, dit-il, d'autres affections cardiaques, et ceci d'autant plus que les sujets adultes morts subitement sont plus jeunes et que leur âge se situe en dessous de 50 ans. Et effectivement, Thierry Gilardi est décédé à l'âge de 50 ans précisément. Bon, On en a beaucoup discuté avec mon copain docteur. En gros, il m'a dit que pour ce genre d'arrêt cardiaque, 25% des cas n'étaient pas élucidés par la science médicale, parce que selon lui, la médecine moderne ne prend pas suffisamment en compte les aspects psychologiques. Or, toujours selon notre ami médecin, en la matière, un choc psychologique intense peut conduire à une hyperactivité cardiaque subite qui entraînerait l'arrêt certain du fonctionnement du cœur sur l'instant. Merci Magic. Alors si je comprends bien ce rapport scientifique, nous dit qu'il n'y avait aucune raison que Thierry Gilardi puisse avoir le cœur fragile, non. Sinon peut-être un élément extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chers amis? Est-ce que cela peut faire avancer l'enquête? Dodé, docteur, coach? Oui, je pense que c'est un élément extrêmement important que nous révèle Magic, au prix parfois d'avoir dû faire des choses qui frisaient avec l'illégalité. Magic, une nouvelle fois, montre ce talent de journaliste qui, pour les biens de l'enquête, nous permettent très certainement d'exclure la thèse de l'accident. Exclure la thèse de l'accident, pardon, mais est-ce tout? Moi, je relève aussi qu'il n'y a, par exemple, dans le corps de Thierry Gilardi, aucunement mentionné la présence ni de drogue, ni d'alcool, ni d'autres produits euphorisants qu'ils soient. Est-ce qu'on peut aussi tirer des conclusions de ces faits? Coach Dundee? Thierry Gilardi était quand même sur le point de commenter un match, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille d'un match de l'équipe de France, c'était France-Angleterre. On peut supposer qu'il était reposé, qu'il était prêt, en parfaite santé. Et effectivement, c'est assez troublant d'avoir ce décalage comme ça, une crise cardiaque en pleine nuit. En plus, après un repas, on l'a dit, qui était bio, sain, complètement équilibré. Effectivement, les zones d'ombre de la science nous laissent à penser que, et surtout en fait, les chocs psychologiques sous-jacent dont vous avez parlé, cher Magic, peut-être que c'est de ce côté-là qu'il y aurait à creuser. Si on a un ensemble de suspects, peut-être qu'un choc émotif assez violent peut constituer une cause de décès. Oui, docteur, oui. En l'état actuel de la connaissance que nous avons, en tout cas des suspects, il me semble bien que s'il est un suspect, qu'on peut éventuellement mettre hors jeu, c'est bien Christine Bravo. Puisque Christine Bravo, dont on connaît les tendances toxicomaniaques, il faut bien le dire, en réalité n'a en aucun cas pu être en contact avec Thierry Gilardi le soir, visiblement de sa mort. C'est en tout cas une analyse que je propose. Il faudrait peut-être vérifier auprès du médecin ami de Magic, mais à mon avis c'est une piste importante. Je crois que Christine Bravo, dans l'état actuel de cette autopsie, est évacuée en fait de la liste des suspects. Effectivement, ça pose pour moi deux questions. La validité de la présence en réalité de Christine Bravo, ou si elle était confirmée, le mode opératoire de Christine Bravo, on sait tous ses excès, et si elle avait dû, comme le mobile le prétend, dû interférer, agir en tout cas sur Thierry Gilardi pour essayer de l'éliminer afin de mettre son fils caché, Daniel, à sa place, certainement qu'elle aurait été en contact avec lui et que certainement des traces, par exemple, de cocaïne, parlons tout simplement, hein, auraient été retrouvées dans les analyses du corps. Nous sommes obligés de parler de ça dans ces termes-là. Oui. Donc moi je suis assez d'accord effectivement pour sortir Christine Bravo de la liste des suspects. C'est pas possible. Ouais. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la personnalité de Christine. Tout à fait. Donc. Mais elle vous envahit. Magique. Elle vous envahit. Passons à la suite, chers amis. Et docteur, où êtes-vous finalement? Parce que vous devez vous occuper du prochain suspect. Je crois que vous allez en faire l'interrogatoire. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Oui, je me trouve actuellement au Beaumet. Au Beaumet, bien heureusement, Magic m'a rassuré. Je ne suis en effet pas le seul, visiblement, à avoir dérogé à mon habituelle déontologie pour les besoins de l'enquête. Je vous avoue en effet avoir quelque peu abusé de la confiance de Bernard Laporte à l'occasion de sa traditionnelle visite du mercredi aux copains des Beaumet. J'ai profité de la situation et je suis parvenu à conduire Bernard au troisième sous-sol où, aux surprises, je l'ai remis entre les mains de Souleymane Diawara. Souleymane Diawara, dit Soulé, qui, comme vous le savez, est spécialiste en extorsion d'aveux et surtout docteur S. Porsche Cayenne. Donc, pour ne pas me mettre en porte-à-faux avec Bernard, vous comprenez bien le ton que j'emploie, puisque, voilà, lui aussi, Bernard fait profil bas maintenant, mais je vous avoue, assister à cette scène qu'on peut qualifier de véritable scène de torture, derrière une vitre teintée. D'emblée, Soulé, donc, bien sûr, a été mis au courant de l'affaire, accuse Bernard de l'avoir escroqué lors de la vente d'un camping à proximité du Pila. Camping qui s'est retrouvé enseveli l'année suivante par l'avancée de la dune. Alors Bernard esquisse un sourire et Soulé commence par un coup de genou dans la tête. Il n'a pas à lever bien haut la jambe pour exploser les lunettes de Bernard et faire jaillir le sang de l'arcade de ce dernier. Bernard avoue tout de suite et s'engage à dédommager Soulé. Il lui promet la gestion du futur camping du parc naturel des Calanques. Soulé enchaîne rapidement. Il parle maintenant de l'OPA de Bernard sur les Flots Bleus, le casino de la Ciotat, jusqu'à leur propriété partagée de Diawara, Bonnard, Valbuena et Brandao, héros du titre de 2010 aux destinées tumultueuses hélas. Là encore, Bernard fait le malin en apposant une croix sur l'acte de rétrocession. Soulé lui tranche sec l'index avec les incisives. La porte obtempère en larmes. Voilà, la porte obtempère. Voilà, et de la main gauche, finalement, il va réussir à signer ce papier. Rien qui ne concerne pourtant notre affaire pour l'instant. Soulé est peut-être en train de déborder un petit peu, donc je glisse alors sous la porte une photo de Porsche Cayenne avec le nom de la société de location de voitures de luxe appartenant à Bernard Laporte, la fameuse société Berlapo, ainsi qu'un portrait de Thierry Gilardi. Alors là, les yeux de Soulé se révulsent, ses têtes dans la baignoire, strangulation, écartèlement, tout y passe. Bernard avoue en passant ne pas avoir nettoyé les sièges de la Porsche Cayenne prêtée à Brandao lors du viol de la jeune Aixoise, entraînant par là même la chute du dévot brésilien. Les coups n'en finissent pas de pleuvoir, désormais Bernard est cul nu, une électrode branchée sur son pénis, l'autre sur le moignon de son index. Soulé fait tourner la gégène méthodiquement avec l'entrain qu'on lui connaît, mais il nie désespérément. Pour Gilardi, il n'est pas au courant, il jure être venu avec l'hélico du boulot, ce que lui permettait effectivement son statut de secrétaire d'état au sport. Soulé me jette un coup d'œil, sans soutenir son regard, j'abaisse pourtant lentement les paupières. Soulé saisit. Il pédale de plus belle, la porte est à la gauche. Il implore et soudain, alors que jaillit une molaire, c'est le flash. Il se souvient, je vous propose d'écouter Bernard Laporte. Je l'ai prêté, stagiaire de TF1. Il me fait un papier, un grand bonnet, un gars du service des sports, un parachuté. Il connaissait rien. Il savait pas conduire une automatique. Le levier de vitesse, je lui dis, on s'en bat les valseuses. Même que tu peux te le mettre dans le cul, tant qu'il ressort. Donc voilà, en exclusivité, vous avez eu ce qui ne sont pas finalement des aveux, mais bien l'innocence de Bernard Laporte, clamée une nouvelle fois dans son langage un petit peu châtié, il est vrai. Donc je propose quand même de retraduire les propos, puisque c'est le problème avec Bernard Laporte, il nécessite très très souvent un interprète, même s'il a été ministre, pour notre voilà, pour qu'on puisse comprendre un petit peu ses propos. Donc ce soir-là, il avait effectivement prêté sa Porsche Cayenne. Il l'avait prêté à un stagiaire de TF1. Le type devait lui faire un bon papier. Un grand bonnet, un gars du service des sports, un parachuté. Il connaissait rien, il savait pas conduire une automatique. Le levier de vitesse, je lui ai dit, on s'en bat les valseuses, même que tu peux le mettre dans le cul, tant qu'il ressort. Puis Bernard clame une dernière fois son innocence, avant de s'effondrer, inanimé. Là, c'est évident, je crois, chers amis, Bernard Laporte n'a pu tuer Thierry Gilardi sous la torture de Souleymane Diawara. Il aurait fini par avouer, plutôt que d'avouer des choses dont on n'a que faire pour l'instant. C'est du beau boulot, c'est des amis bien placés, efficaces. C'est pas très glorieux, mais je crois que ça a bien fonctionné, effectivement. J'ai l'impression que l'enquête a pas mal avancé de ce point de vue-là, puisqu'on a réussi à éliminer un suspect donc sur lequel, j'avoue, j'avais des présomptions importantes, et c'est pour cette raison-là que je m'étais proposé de faire ce sale boulot. Tout à fait. L'étau se resserre. Deux suspects en moins, déjà, dans l'affaire Thierry Gilardi. La parole va vous être donnée, maintenant, Dondé. Vous avez donc sous les mains ce fameux parchemin qui nous proviendrait peut-être, en tout cas qui nous donnerait peut-être des informations sur l'aïeul de Thierry Gilardi présent ce soir-là au repas. On pourrait peut-être dire que c'est presque une lettre du corbeau. Ne l'écoute pas, les corbeaux sont tous des menteurs. Je connais une histoire de corbeau. Je déteste vos histoires. Je connais une histoire sur un garçon qui détestait les histoires. Je pourrais te raconter celle du chevalier Duncan le Grand. Ces histoires ont toujours été tes préférées. Ce n'étaient pas mes préférées. Mes préférées, c'était celles qui faisaient peur. Nous avons reçu hier soir, dans la soirée, par recommandé, un parchemin. À quoi savons-nous que c'est un parchemin? D'abord son apparence. C'est évident. Il date. Oui. Il date, nous l'avons fait examiner dans les locaux scientifiques de Radio Grenouille. Il porte une adresse qui nous est adressée en ancien français, des bastons en Messire Guirou. Il porte la mention de la radio Rana Esculenta Pelophylax, le nom latin donc et savant de Radio Grenouille. Je ne l'ai pas encore ouvert. C'est un document particulier qui est très vieux, très ancien et c'est avec vous, chers auditeurs. Il faut faire avec précaution, on donne des... Précaution, on ne sait jamais. La qualité du papier n'était peut-être pas au rendez-vous. À l'époque, je vais l'ouvrir. Est-ce que vous c'est pouvez nous en lire le contenu? C'est difficile. Une date, déjà. L'an de grâce 1364. Une adresse. Nobles amis, vous qui cette lettre lisez, despouillez-vous de toute affection. Et le lisant, ne vous scandalisez, il ne contient mal ni infection. Vrai qu'ici peu de perfection vous apprendrez sinon en cas de rire. Autre argument de mon cœur est lire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes esquipre, pour ce que rire est le propre de l'homme. Assez mystérieux comme adresse, en tout cas. On voit bien là qu'il s'agit du style. Tout à fait le médiéval. Fameux style 1364. Le fameux style 1364. Et ce que je vois, c'est qu'il s'agit en fait d'une série d'énigmes qu'on pourrait qualifier dans notre langue contemporaine peut-être de charade. C'est une énigme en fait qui nous est offerte et nous allons devoir, je pense, chers auditeurs, si vous avez des idées, vous pouvez bien sûr appeler, mais à nous autres, enquêteurs, trouver le message qui est écrit sur ce parchemin. On vous écoute, Dundee. D'après Suzanne Collins, mon premier est un oiseau moqueur. Quand Patrick est aimé, il change de prénom. Dans mon troisième, le maître y boit et y déguste plus que de raison. Mon tout est un cri du cœur brésilien. Alors moi, l'oiseau moqueur, pour, en tout cas, me fait tout de suite penser au jet. Je sais que le jet est un oiseau particulièrement moqueur. Et Suzanne Collins serait cette auteure fameuse d'une série adaptée peut-être à la télévision Hunger Games, le jet moqueur, ce serait ça sans doute. Quetch, une idée? Je crois que c'est une série avec des combats moyenâgeux. Oui, c'est ça, il me semble. Et c'est la reine un peu. Hein. C'est la reine, oui. Donc ce serait logique. Le jet, pourquoi pas? Mantou est un cri du cœur brésilien, je répète. Caramba? Comme Daniel Caramba? Ça m'a plutôt l'air mexicain, je crois. Caramba, mais... Et vous pouvez nous répéter le deuxième, peut-être. Donc le deuxième indice, quand Patrick est aimé, il change peut-être de prénom. Mais peut-être qu'il change de prénom en surnom. Quand Patrick est aimé, quel serait le surnom? Quel pourrait être un joli surnom à Patrick? Ben c'est Pat. Pat. Pat. Patou. J'ai pas tout. Dans mon troisième, le maître y boit et y déguste plus que de raison. Ça, c'est une question... C'est vinicole, ça. C'est pour vous, cher docteur, sans doute. Le maître, il boit, il déguste plus que... Ah, le maître. Le chais. Le chais. Ça ferait donc. J'ai pas touché. J'ai pas touché. J'ai pas touché. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Ce qui nous permettrait de faire le lien avec le nom. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Ah, mais exactement. Le cri du cœur brésilien. Exactement. C'est celui de Brando, me semble-t-il. Alors, ce que nous apprendrait, ce que nous apprendrait ce parchemin. C'est que le corbeau, n'aurait pas touché à Thierry Gilardi. Le corbeau n'aurait pas touché à Thierry Gilardi. C'est clair. Très bien. Il y a d'autres informations. C'est très clair, bien sûr, il y a une autre information. Mais si vous cherchez le coupable, je vous donne à méditer ce conseil. Nouvelle charade. Elle est assez longue. Mon premier correspond au souffle sonore de l'étonnement fin. Mon deuxième n'a pas de prise sur nous autres. Mon troisième est le nom de deux villes dont l'une est céleste et l'autre n'est que suisse. Mon quatrième est l'acronyme du nom du club du Forez. Mon cinquième est un supermarché discount. Mon sixième peut être Klein. Et mon septième est un chiffre à l'origine de toute dichotomie. C'est compliqué. C'est compliqué. Y a-t-il un tout dans cette charade? Il n'y a pas de tout. C'est là l'astuce du corbeau, d'ailleurs, qui signe le Corbus. C'est toute l'astuce. Donc, mon premier correspond au souffle sonore de l'étonnement fin. Ce serait quoi? Alors, moi, j'ai une proposition. Mm-hmm. Enfin, je vous laisse aller. Mais sur les deux, troisième, quatrième, cinquième, sixième énigme, allons-y. Je pense à Sion. Pour la ville. Pour la ville. ASSE, donc AC. Sion AC, Dia, Géraro. Sion AC, Gérardo. Sion AC, Dia. Sion AC, Dia, Gérardo. Sion AC, Dia. Si l'étonnement fin c'était un A, ça ferait A quelque chose. Sion AC, Dia. Attends. Mon sixième peut être Klein. Attention à ce diable de. Le bleu. C'est Gérard, c'est Gérard Klein. Attention à ce diable de. Attention à ce diable de. C'est ça. On nous prévient, le corbeau nous prévient par là même. Il évince, je crois, un nouveau suspect. Lui-même. Finalement, puisque le corbeau n'était pas assez malin pour signer pour, directement. Voilà, et puis aussi pour être subtil quant à son envoi de parchemin. Donc on peut, je crois, évincer en troisième recours l'aïeul de Thierry Gilardi. Gilles Le Hardy. Plus qu'un suspect, chers amis, je crois. Et c'est le coach qui va tout de suite nous en parler. Le coach a fait une reconstitution de la journée de Patrick Montel, le dernier des suspects. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréel. C'est le côté obscur de la fosse. C'est le côté obscur de la fosse. Coach, j'imagine que c'est le dernier suspect. Vous n'avez pas eu de mal à le confondre grâce à cette reconstitution. Oui, donc j'ai passé une journée avec Patrick Montel. Donc nous sommes retournés sur les lieux du crime. Nous avons suivi exactement donc son parcours. Vendredi 21 mars 2008, rebondissement dans l'affaire des Sport Tapes. Dans le cadre de l'enquête que mène Patrick, un des ouvriers du chantier de la rédaction témoigne qu'un abo frisoté à lunettes avec une drôle de voix a proposé de balancer aux ordures une armoire pleine de vieilles merdes qui ouvre mal de toute façon. Dimanche 23 mars, 19h. Après le direct de Stade 2, Patrick attrape Nelson Montfort par les couilles dans les toilettes pour hommes de France Télévisions pour lui faire cracher la vérité. L'autre pleureuse nie de toutes ses forces. Non, non, non, Patrick! Et cafte Thierry Gilardi à la place. Comme il le fait dans son franglais natal, Patrick penche à le croire. L'accusation en outre est plausible, Gilardi étant réputé dans le milieu comme fétichiste du sport. Toute la nuit du dimanche 23 au lundi 24 mars, Patrick n'arrive pas à dormir et rumine sa colère. Le viol métaphorique de ses affaires est devenu au fil des jours énormissime. Patrick se sent comme souillé, assassiné. Il a dans le ventre une grosse boule de pus noir façon alien qui sointe sur son blog. Aujourd'hui, il se voit bien débarquer à TF1 avec le fusil de 14-18 de son grand-père et écorcher Gilardi à la baïonnette. Mais Patrick est un homme de morale. Il lui faut des preuves irréfutables avant de devenir un monstre psychopathe. Il a la torture honorable. Il est comme ça, Patrick. Lundi 24 mars, 11h du matin. Patrick apprend par Christine Bravo, sa collègue du service public, lors d'une réunion autour de la machine à café, qu'un repas est organisé par Thierry Gilardi, le soir même dans sa maison de campagne. Une idée comme un météore frappe le cerveau de Patrick. « Ce sera énorme », se dit Patrick en houleçon. Lundi 24 mars, 15h21. Patrick fixe à la colle les derniers éléments de sa ruse. Il va s'incruster chez ce délinquant de Gilardi sous couverture. Il se déguise en Al Pacino parce que Gilardi est fan d'Al Pacino. Lundi 24 mars, 15h22. Patrick se regarde attentivement dans la glace. Al Pacino, ça ne marche pas terrible. Patrick, avec son physique de Harry Potter trisomique, ça n'aide pas. Il passe avec un enthousiasme à la montée à son plan Z et se déguise en Annette Bening, parce que Gilardi est fan d'Annette Bening. Avec l'espoir que ses faux seins attirant tous les regards, on ne regardera pas le reste. Lundi 24 mars, 20h07. Patrick Annette Bening sonne à la porte de la maison de Montfort-l'Amaury. Lundi 24 mars, 20h09, Thierry Gilardi vient ouvrir. Un ange passe. Un ange énorme. Lundi 24 mars, 20h10, Thierry Gilardi rit, car il reconnaît tout de suite Patrick. Gilardi dit à Patrick qu'il l'aurait plus vu en Gaston Lagaffe. Lundi 24 mars, 20h18, Thierry Gilardi rigole toujours, à deux doigts de faire un infarctus. Patrick enrage d'avoir été tout de suite découvert. Il soupçonne Nelson de Montfort d'avoir bavé. Il bafouille avoir eu vent par Bravo que Gilardi organisait une surprise partie, cheveux gras, un truc énormissime, et comme il aimait se déguiser le soir pour sortir s'éclater en banlieue, il viendrait faire la teuf de ouf. Gilardi l'invite à entrer, quand il y en a pour 5, il y en a pour 6, la grande famille du sport se tient le ventre, etc., etc., etc. Lundi 24 mars, 21h01. Patrick, sous prétexte de salle de bain pour se repoudrer le nez d'Annette Bening, effectue sa première sortie en éclaireur à l'intérieur de la villa, à la recherche de ses cassettes chéries. Il commence évidemment par prospecter une bibliothèque, mais n'en trouve aucune. Il n'y a aucun livre dans toute la maison. Lundi 24 mars, 21h43. Après l'apéro, Patrick se lance dans sa deuxième opération de fouille sous prétexte de pipi. Il se glisse dans le bureau de Gilardi, il fracture tous les tiroirs avec un coupe-papier, rien. Même pas un coffre plein de fric taché de ciment sous une croûte au mur, étrange pour un gars de TF1. Lundi 24 mars, 22h01, Patrick s'éclipse à nouveau, soi-disant un coup de fil urgent à passer à sa grand-mère antillaise. Il décide d'être plus méthodique dans ses recherches. Au moins qu'un con, à défaut d'être carré. Il monte à l'étage et fouille une première pièce, c'est la chambre d'amis, nada. Lundi 24 mars, 22h16, Patrick prétexte un médicament à prendre en injection vénale et file retourner une autre chambre. Que dalle. Lundi 24 mars, 22h31, Patrick fait semblant d'aller fumer une clope, mais il faut le dire à personne, ça la fout mal pour un journaliste sportif. Il continue son exploration, rien. Lundi 24 mars, 22h46, Patrick fait croire qu'il a entendu le cri caractéristique d'un narfang. Avec la tête qu'il a, les bouts, c'est son truc à Patrick, fait-il croire, et il fait mine d'aller voir. Et 30 secondes après, il a le nez dans les jouets des gosses. Il en est jaloux, mais c'est pas ce qu'il recherche. Et ça continue comme ça tous les quarts d'heure, mais rien à faire, Patrick ne voit pas la plus petite jaquette de sa Marie-Jo. Rien de rien de rien de rien. Tant de déception pour un homme si sensible, c'est pas humain. Sa sensibilité, c'est sa seule beauté à Patrick. Et vu qu'il commente pour lui-même tout ce qu'il fait, c'est échec sur échec, comme pour l'équipe de France d'athlétisme. Le désespoir enfle à chaque foulée, mais Patrick s'encourage à aller au bout de ses idées. « Vas-y Patrick, vas-y, vas-y mon petit, vas-y, vas-y, vas-y Patrick !» Alors Patrick est le roi de la boulette et du dérapage, mais il est aussi l'âne qui connaît le concept de la ligne droite. Lundi 24 mars, 23h41. Thierry Gilardi remarque qu'il n'y a plus de vin sur la table. Patrick est comme électrisé par cette annonce impromptue. La cave, bien sûr, le sous-sol, voilà le seul endroit de la maison qu'il n'a pas parcouru. C'est forcément dans le monde souterrain que son hôte planque toutes ses saloperies. C'est là que les démons lutinent et papillonnent. D'ailleurs, Patrick, lui, dans sa cave, il a des... Bon, bref, c'est pas le moment de parler de ça. Patrick propose à Gilardi de descendre à la cave pour refaire le plein. Gilardi lui tend la clé en souriant. Patrick se trouve cela louche, mais malin... À malin, malin à lunettes. Une fois dans la cave, il tourne en rond, rien que du pinard couché à l'horizon. Patrice commence de tripoter toutes les bouteilles et en touchant une au hasard, un château du cru Beaucaillou, le cru préféré de Gilardi, une porte secrète s'ouvre dans les rayonnages. Patrick hurle, énormissime, il vient de mettre la main sur la chambre des horreurs de Gilardi. Il tourne l'interrupteur et devant lui s'éclaire une chambre gigantesque remplie d'étagères. Il parcourt les travées d'archives et laisse courir ses doigts sur des milliers de dossiers jaunes estampillés Canal+, classés par sport, par année, par nom. Il en ouvre un au hasard, des lignes de nombres sur des fiches, des calculs et des graphiques à n'en plus finir. Pas une seule image à l'horizon. Certaines fiches sont encadrées et exposées au mur, comme un cabinet de curiosités mathématiques. Patrick se rend compte qu'il vient de tomber sur les archives secrètes du Batman de la statistique. La statistique pour commenter le sport, ça le rend malade, Patrick. Son truc à lui, c'est l'enthousiasme et la spontanéité en dépit de toute raison. Avec son amour du sport, il professe l'idolâtrie des corps humains trop humains et pas celle de la technologie. Ce n'est visiblement pas dans tous ces chiffres qu'il retrouvera son trésor de VHS, de Betacam et autres humatiques. Il se dit, saloperie de Nelson, tu vas l'avoir ton Trafalgar. Au centre de ce QG tactique, Patrick trouve une table des opérations sur laquelle des documents écrits sont étalés. Il s'approche pour jeter un œil. Des fiches annotées en rouge sont dispersées depuis leur chemise jaune. Elles détaillent de manière précise la stratégie d'attaque pour s'emparer de la Coupe du Monde de rugby. Mais ce n'est pas tout. Gilardi développe visiblement un combat pour la parité, prônant l'entrée des journalistes femmes dans l'équipe d'animateurs de la rédaction d'Export. Patrick y lit. Pour faire du TF1, une grande gueule est une grande gueule, homme ou femme. Pour faire du Canal+, les statistiques n'ont pas de sexe. Cela paraît encore impossible au foot. Le rugby, lui, sport viril par excellence où l'on pleure pendant les hymnes, est le meilleur terrain d'avant-garde pour ce combat contre le machisme. Cette position affirmée l'excite, Patrick, mais ça lui fait un peu peur aussi. Son crémaster remonte d'un coup, et cela continue. Cependant, la venue de ces dames nécessite de faire de la place parmi les hommes en place depuis la nuit des ondes. Certains noms sont cités lisiblement, comme Thierry Roland, d'autres ne sont que de simples initiales faciles à remettre. Une petite note détonne de l'ensemble, un mot griffonné à la fin sur un papier à lettres Vieille France, signé Jean-Pierre Pernaud. L'homme du 20h et de la France qui a peur, l'ombre du JT dont le réseau d'information est meilleur que les RG, il a eu vent du projet de révolution féministe de la rédaction des sports envisagé par Gilardi. Il ne s'y opposera pas. En contrepartie, il sollicite une faveur pour son erreur de jeunesse, l'enfant caché qu'il a eu à l'époque avec la femme la plus grande du monde, rencontrée dans un cirque à l'occasion d'une tournée de hockey sur gazon avec l'Amiens Sporting Club. Un enfant du sport donc, à qui il n'a pu donner que son prénom et qu'il a pistonné à TF1 pour se rattraper de toutes ces années de paternité perdue. À la lecture du nom de son orphelin de collègue, Patrick se sentait mis aux larmes, car lui aussi est un gaffeur chronique et de fait sujet de polémiques interminables. Patrick est un grand passionnel. Il est peut-être un animateur télé, mais c'est un homme avant tout, avec un cœur énormissime. Mais merci, coach. Je suis à la fois admiratif de votre travail, mais aussi très, très déçu, puisque effectivement, c'était notre quatrième et dernier suspect. Et on se rend bien compte que le mobile de Patrick Montel ne tient plus. Pour quelle raison aurait-il pu vouloir tuer Thierry Gilardi, en se rendant compte que Thierry Gilardi n'était pas le coupable de la disparition de ses archives vidéo? Je suis un peu sans voix. L'enquête piétine, je crois, chers amis. Je vous propose une petite pause musicale, éventuellement, pour essayer de réfléchir un peu à tout ça. Si vous avez vous-même, chers auditeurs, des informations à nous donner, n'hésitez pas à nous appeler pendant cette pause. On est preneur parce que on est un petit peu face au mur en ce moment. Nous sommes un peu dans le studio de Débattons d'Anguirou, tel Jeanne Moreau parcourant Paris sous la pluie. Face au mur, face à notre destin, notre enquête piétine, mais je crois voir depuis la régie qu'un coup de téléphone a bien été passé pendant cette pause musicale, et a priori, si le standard l'a sélectionné, c'est que peut-être il peut nous intéresser. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Oui, bonsoir au dispositif Débattons d'Anguirou, enquête de vérité. Ici Paul le Poulpe. Je suis votre émission depuis toujours. Et d'ailleurs, bravo, et je suis particulièrement attentif à celle d'aujourd'hui car je connaissais bien Thierry Gilardi. J'ai entendu votre appel à témoigner. Je dois dire que votre ténacité à faire le jour dans cette affaire m'incite à vous accorder mon aide. Comme vous le savez, je sais tout et je devine tout. Et je peux donc affirmer avec vous que la mort de Thierry Gilardi est tout sauf accidentelle et que je connais son assassin. Pour faire bref, je dois admettre que votre enquête est jusqu'ici rondement menée, bravo. Vous avez bien identifié les suspects et mis à jour leurs griefs à l'encontre de ce cher Titi. Cependant, comme vous venez de le démontrer, aucun d'eux n'a pu porter le coup fatal. Vous êtes dans une impasse. Oui, mes chéris, mais ce que vous ne savez pas, et ce que personne ne sait, c'est qu'une cinquième personne s'est introduite dans la maison ce soir-là. Vous comprendrez que je ne nommerai pas cette personne qui est selon toute vraisemblance l'assassin du commentateur. Ce n'est que faire de la justice des hommes qui spolièrent jadis de poulpes de vin. Car je n'ai jamais touché un rhum, moi, grand oracle d'Oberhausen. Mais vous m'êtes sympathique, chers amis du dispositif, et je vais vous aider. Vous m'êtes sympathique, mais vous êtes aussi un peu con, car tout de même, vous avez devant vous tous les indices pour confondre le malandrin. Tenez, par exemple, qui pourrait bien être ce stagiaire Benet, mentionné avec mépris par Bernard Laporte, à qui l'on aurait justement prêté une cylindrée par beaucoup identique à celle aperçue devant chez Thierry le soir du drame? Qui, sinon, porterait ombrage encore une fois du projet mixité dans le rugby découvert par hasard par Patrick Montel? Qui encore répète sans cesse à l'antenne ce diable de, lorsqu'il évoque un homme malin en short? À qui enfin profite totalement ce crime? Qui a pu si magistralement le commettre sans jamais être inquiété, tellement sûr de lui qu'il alla jusqu'à défier sa victime en gravant ses initiales sur sa tombe? Vous avez tous les indices, je vous dis. À vous de jouer maintenant, les petits. Alors, on remercie d'abord Paul Le Poulpe, évidemment, pour tout, pour tous ces bonnes attentions. Oui, Magic, pardon. Oui, moi je voudrais réagir tout de suite. C'est vrai que j'étais là quand on a ouvert le cercueil, oui. Qu'on a vu la marque CJP. Et je me suis dit, effectivement, il était beau ce cercueil. C'était, j'avais l'impression que c'était de l'artisanat tellement c'était bien fait. Et donc, mais c'était en fait des inscriptions. Donc du coup, si on croit Paul Le Poulpe, qui ont été rajoutées. Et par l'assassin. CJP. CJP, ouais. Qui aurait signé son crime. Éventuellement. Qu'est-ce que ça vous évoque, chers amis, par ailleurs, ce coup de fil de Paul Le Poulpe? Qui semble dire qu'on a sous la main tous les indices. Alors, si on récapitule, on a les initiales, donc CJP, oui. sur la tombe. Tout à fait. On a ce stagiaire, question du stagiaire Benet auquel on n'a pas fait trop attention tout à l'heure. Oui, c'est sûr que Bernard Laporte, qui vraiment, là, on ne peut pas dire qu'il est mitonné pour ce coup-ci, hein, Soulet a fait sacrément bien le boulot. Et c'est vrai que Bernard évoquait un type qui visiblement n'y connaissait absolument rien en sport, tout en travaillant au service des sports de TF1. Voilà, donc ça c'est quand même un élément qui me semble extrêmement important. Voilà, et là, qui aurait donc pu travailler sous les ordres de Thierry Gilardi à cette époque-là, et qui éventuellement, et c'est là où le dossier trouvé par Patrick Montel intervient peut-être, aurait pu prendre ombrage du projet de Thierry Gilardi. Le fils caché de Jean-Pierre Pernaut, dont il aurait bénéficié du prénom, donc Jean-Pierre, qui aurait sans doute perdu sa place donc, pour la Coupe du Monde de rugby pour une commentatrice femme. C'est pas un commentateur homme. Non. Et il parle d'une expression fameuse de ce journaliste stagiaire dont les initiales seraient CJP. Oui, c'est les indications du parchemin. Oui. Ce diable, attention à ce diable. Attention à ce diable de. Moi, je crois que tout c'est clair, les amis. Eh oui. Ce diable non, de. Non, c'est clair maintenant. Ribéry. Attention à ce diable de Ribéry, par exemple. Attention à ce diable de Brandao, peut-être. Attention à. Qui dit ça souvent ça me dit quelque chose, oui, effectivement. Dont les initiales seraient CJP, donc qui serait journaliste dans la même chaîne que Thierry Gilardi. CJP pour Jean-Pierre. CJP, c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Attention, ce diable de C'est Jean-Pierre. Bizarre, ça, sur TF1. Pense à me souvenir d'un type qui actuellement commente le football sur. Mais j'y pense. Jean-Pierre François. Non. Qui a remplacé Thierry Gilardi après sa mort? Ah, oui, tout simplement. Oui. Christian Jean-Pierre. Mais Christian Jean-Pierre, CJP. CJP. Ce serait donc lui. Jean-Pierre, le fils d'eux. Chers amis, chers auditeurs, nous venons de le découvrir ensemble sur le plateau. Christian Jean-Pierre, qui l'eût cru? Thierry Gilardi. Benet, il est vrai, mais. Ce soir de mars. Finalement, c'est malin. 2008. Je l'aimais bien, moi. Je suis estomaqué, je vous l'avoue, et je vous propose du coup de rendre l'antenne. Parce que je ne sais pas ce qu'on peut ajouter à ça. Non, on va remettre tout ça, tout le dossier. On va le remettre, ouais, bien sûr, dans les mains de la justice. Vous seriez pour enterrer l'affaire, oui. Cher docteur. Christian Jean-Pierre est puissant, il détient un média. On va en discuter entre nous, on va voir ce qu'on va faire des résultats de cette enquête. Il n'est pas arrivé là pour rien. Je vous remercie, mon cher docteur. Coach Magic, bonsoir à vous. Et Donde, à très bientôt. On se quitte en musique et on se retrouve le mois prochain.